de balai. C'est pas le 14 février, si t'es sorti sans prévenir, j'espère que ton frère est au pays, qu'il mettra pas en péril les envies que j'ai sous whisky. Sous spliff, je n'ai plus d'interdit. Non, je dis pas que c'est un risque, car on parle là sur la piste. Sur la liste, je suis VIP. Désolé, t'es pas mon type. Tu ressembles à Nabila, normal que je sois pas ton style. Lumière tamisée, c'est les gants de le romantique. DJ, arrête tes platines, madame est en crise. D'oublier la number one, c'est systématique. C'était un coup monté, je m'attends, t'es l'actrice. Je l'ai trouvée charmante, mademoiselle, lâche ton mec. Rejoins la piste de danse, la lumière des projecteurs se reflète dans tes cheveux, que tu danses avec moi me rendrait vraiment heureux. Pas du genre à draguer, juste un bon danseur. Je te vois danser, bouger tout en douceur. S'il te plaît, n'aie pas peur, je ne suis pas un acteur. Rejoins-moi chez moi, on fera un after. J't'imagine, toi et moi, dansant sur la piste. Tu as un joli sourire, malgré ce regard triste. Tu commences à partir, et c'est ce qui m'attriste. Je ne t'ai pas parlé, mais tu m'avais l'air sympathique. Je n'ai plus d'interdit, non. Je me sens tout permis, donc je prends ton numéro et je le mets à quel nom. T-I-B-O-U-G, ouais, L-C-C. Défaut d'aller en boîte ma gueule, hein. Vas-y monte le son dans ton Golf Cab ou dans ton Golf 4 ou dans ton Mégane que t'as éclaté. Fais gaffe hein, parce que si t'écoutes un son comme ça, tu vas peut-être te retrouver sur le toit sans savoir comment. Tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait. Après tu vas dire ah c'est pas moi, c'est la musique. Mais bon, c'est nous hein. Tu sais, tu peux dire qu'on est très fort. Tu peux dire aussi que on a du talent. Parce que toi en fait mon pote, t'as juste ta langue. T-I-B-O-I-G-L-C-C.